Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le marathon, épreuve phare des Jeux olympiques modernes. Le marathon, c'est une. Évidemment, c'est l'épreuve, des épreuves les plus difficiles. 42 km et des virgules. Voilà. Deuxième épreuve la plus longue à pied, évidemment, après les 50 km marche. C'est aussi le marathon, c'est une création moderne. Le journaliste Jean Dion, à l'émission Les Jeux sont faits en septembre 2000, Jean Dion a bien raison de rappeler que le marathon n'est pas cette discipline ancienne qu'on pense qu'il est. En fait, le marathon est devenu une discipline olympique à l'occasion des premiers Jeux de l'ère moderne, organisés à Athènes en 1896. Et contrairement à ce qu'on pense souvent, le marathon était absent des compétitions olympiques au temps des Jeux de l'Antiquité. Il n'en reste pas moins que le marathon, bien sûr, c'est l'une des épreuves les plus suivies en athlétisme, la discipline reine des Jeux olympiques. Et l'histoire du marathon aux Jeux olympiques modernes vaut assurément le détour. Mon collègue Guy Daou, journaliste au sport à Radio-Canada, a d'ailleurs accepté de participer à notre série d'émissions spéciales réalisée avec le concours de collègues de la boîte, justement, qui viennent nous parler de sujets qu'ils connaissent bien, de sujets qui les passionnent. Guy Daou, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, c'est vrai, Guy, qu'on associe souvent cette épreuve du marathon qui existe aux Jeux olympiques, on associe souvent ça à l'Antiquité, à tort. Comment s'explique cette confusion-là, cette confusion autour des origines du marathon comme épreuve olympique, Guy Daou? À cause du nom, sans doute, Jacques, le marathon. Écoutez, à l'origine, il y a une légende, et cette légende prend naissance à Marathon. Il y aurait eu bataille en 490 avant Jésus-Christ entre les Grecs et les Perses. Les Grecs auraient remporté cette bataille et on croit qu'un messager parti de Marathon aurait gagné Athènes à la course pour prévenir de cette grande victoire. Une longue distance d'environ 40 quelques kilomètres, c'est plausible, et au terme de sa course, il se serait écroulé mort. Alors c'est dramatique, c'est profondément romantique. Si on fouille un peu dans l'histoire, on va du côté d'Hérodote, un historien contemporain de l'époque, on va ensuite avec le philosophe Plutarque, Lucien de Samosate. Je vous épargne toutes les versions qui ont été racontées, mais enfin, Philippides, à qui on prête le rôle de héros, ne serait pas celui qui aurait franchi la dite distance. La bataille a bel et bien eu lieu, elle, oui, mais si on a repris ce symbole, c'est à cause d'un poète du 19e siècle. Il est anglais, s'appelle Robert Browning, et quelques années seulement avant la présentation des Jeux olympiques, en 1896, des Jeux olympiques modernes, il a publié un poème extrêmement populaire à son époque qui s'appelait « Phidippides » et qui rappelait les exploits de ce coureur qui avait franchi la distance entre Marathon et Athènes. Donc, c'est dans la foulée de ce poème, de la popularité de ce poème, que cette idée s'est imposée dès les premiers Jeux de l'ère moderne en 1896, au moment où vraiment, donc, en 1896, à Athènes, est créée cette épreuve olympique du marathon. Oui, voilà. Ça commence, parlez-moi, ça c'est fascinant, Guy Daou. Bon, il y a un premier marathon en 1896, au premier Jeux de l'ère moderne à Athènes, mais vraiment les débuts à Athènes, ensuite à Paris en 1900, ensuite à Saint-Louis en 1904, les débuts du marathon, c'est vraiment chaotique. Pour le moins, oui. C'est une idée d'abord, rappelons-le, de Michel Bréal, un des pères de la sémantique moderne, un ami de Pierre de Coubertin, mais ça nous ramène à la littérature et à Fielding dont je parlais à l'instant. En 1896, on va donc le courir, ce premier marathon. À l'époque, il n'y a pas de distance encore précise. Il n'y a pas 42,x kilomètres. Ce dont on a besoin, c'est une distance assez importante. Ce qu'on veut tester, c'est l'endurance des coureurs. On ne va pas chercher plus loin. En 96, on procède donc. Et là, c'est un Grec pour les Jeux tenus en Grèce qui remporte le marathon. C'est magnifique. Il s'appelle Spyridon Louis. C'est un porteur d'eau, un berger, un homme d'origine modeste. Et on est très heureux, bien sûr, chez les Grecs. Là, il y a deux trucs que je veux préciser. Le premier, c'est qu'on entend souvent dire qu'il fallait que Spyridon Louis remporte cette victoire, parce que les Grecs avaient été à peu près blanchis à ces Jeux-là, ils étaient déshonorés. C'est pas vrai du tout. Ouais. Les Grecs ont remporté 46 médailles à leurs Jeux à Athènes, et écoutez, c'est 26 de plus que l'équipe qui avait pris le deuxième rang, les États-Unis. Cependant, les Grecs ont enregistré aussi la première disqualification. Spyridon Bélokas, un Grec lui aussi, a terminé troisième, mais on l'a disqualifié parce qu'on a constaté qu'il avait franchi une grande partie du parcours à l'intérieur d'une calèche, ce qui, bien sûr, est interdit. Ouais. Alors voilà pour 1896. À Paris, en 1900, quatre ans plus tard, là, le problème, cette fois, on n'a toujours pas de distance précise. Le problème, c'est que les balises sont imprécises, pas du tout évidentes, à tel point qu'on raconte qu'on a vu des coureurs un peu partout dans le centre de Paris. On ne savait plus exactement par où passer. Il y a l'Américain Arthur Newton qui a fini cinquième et a juré ses grands dieux à l'issue de l'épreuve que personne ne l'avait jamais dépassé. Alors, par où sont passés les quatre autres, vous allez me le dire. Il y a un autre Américain, Richard Grant, qui lui dit avoir été délibérément projeté au sol par un groupe de cyclistes. Bref, il y avait un petit peu de parti pris et incidemment, c'est à Paris et ce sont trois Français qui vont remporter les trois médailles. Ah bon? Je souligne en passant la participation d'un Canadien, la toute première. Il finit septième de l'épreuve et il s'appelle Ronald McDonald. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. J'enchaîne avec Saint-Louis. Fred Lords, un Américain, arrive dans le stade 16 minutes avant son plus proche rival. Vous imaginez, victoire facile, performance incroyable, c'est aux États-Unis, il est Américain. C'est d'autant plus remarquable qu'il fait 33 degrés avec un humidex qui dépassait les 40. Alors, il est accueilli en triomphe par la foule, par la première dame des États-Unis, Alice Roosevelt, et il allait recevoir sa médaille quand on a appris que, comme on l'avait fait en 96, il avait fait une partie du parcours, lui, en voiture. On a progressé, on n'est plus en calèche, on est en voiture, et on l'a disqualifié sur le champ, on l'a suspendu à vie, ce qui l'a pas empêché, entre parenthèses, de remporter le marathon de Boston l'année suivante. Ouais. Suspension à vie, ça ressemblait un peu à celle qu'on a aujourd'hui parfois. Ouais. Le vainqueur l'emporte, Tom Hicks, en 3h28 minutes 53 secondes. C'est le temps le plus lent de l'histoire. Et je souligne qu'il a été supporté par son entraîneur, ce qui était interdit par la suite, et qu'il a fait usage de strychnine comme stimulant. Strychnine, c'est la mort aux rats. C'est du poison, mais contrôlé à petite dose, c'était aussi vu comme un stimulant à l'époque. Et comme relaxant musculaire, on utilisait le bon vieux brandy. Ouais. Alors, vous avez une idée un petit peu de la pharmacopée des marathoniens de l'époque. Et je rappelle, Guy Daou, que nous ne sommes qu'en 1904 à Saint-Louis. Jusqu'ici, donc, on a passé trois Olympiades seulement avec vous de l'ère moderne. Et il y a déjà des histoires de dopage, des histoires de tricherie. C'est merveilleux. Londres, ça, c'est important. En 1908, les Jeux de Londres sont importants. Annonciateur. Parce que c'est là, au fond, où on fait un peu le ménage. Ne serait-ce qu'avec cette fameuse distance flottante qui avait provoqué les égarements dont vous nous parliez dans Paris en 1900. À Londres, on remet un peu les pendules à l'heure. On décide que ce sera 42,195 kilomètres, la distance précise du marathon. C'est un peu intriguant. Pourquoi, Guy Daou, 42,195 kilomètres? Ce n'est pas prévu pour être 42,195 kilomètres dès le départ. Je vous explique. On a choisi une distance précise, légèrement sous les 26 miles, et c'est avec cette distance-là qu'on ira désormais. On se dit que ça deviendra la distance officielle. Cependant, c'est tenu à Londres et la famille royale se passionne pour le marathon, tant et si bien qu'on demande aux coureurs qui devaient partir à l'ombre du palais de Buckingham, de venir commencer la course sur les pelouses, sous les fenêtres des enfants princiers, afin qu'ils puissent apprécier le départ et voir, ça va très bien. Par ailleurs, à l'autre extrémité, là, l'épouse du roi, Édouard VII, elle souhaiterait que la fin du marathon soit avancée un petit peu de telle manière qu'il se termine, que la ligne d'arrivée soit directement vis-à-vis la loge royale, c'est la reine Alexandra. Ces petits ajouts au départ et à la fin représentent un petit peu moins de 400 mètres et vont faire en sorte qu'on a aujourd'hui 42 km 195, mais vont jouer un rôle absolument essentiel dans la course de 1908. Je vous explique, c'est que la course a été extrêmement difficile. Elle est menée par des Anglais au départ, au grand bonheur des gens de l'endroit, bien sûr, on est à Londres. Par la suite, les deux Anglais sont distancés. C'est un Sud-Africain, quand même membre du Commonwealth, soutenu par la foule, qui prend la commande et il se dirige vers la victoire jusqu'à ce qu'il faiblisse dans les derniers kilomètres. Oui. Et là, c'est un petit boulanger italien du nom de Dorando Pietri, petit bonhomme de 22 ans, qui prend la relève, mais il faiblit aussi. Quand on regarde les photos aujourd'hui, là, il a 22 ans, on dirait qu'il y en a plus de 40, et 40 fatigués. Ouais. Il est le premier dans le stade. La foule attend un Adonis, c'est un petit bonhomme, un maigrelet, 5 pieds, 2 pouces, il titube. Et les 400 derniers mètres ajoutés, à cause des caprices princiers, lui seront fatales. Il chute une première fois, il est épuisé, il se relève. Il y a des problèmes d'orientation. On le dirige un petit peu, on le remet dans la bonne direction, il chute à nouveau. Cette fois, le directeur de course et le médecin vont se porter à son secours pour l'aider à se relever. Il va chuter deux autres fois avant de franchir le fil. Dans sa biographie, Jacques, il va raconter qu'il n'y a aucun souvenir de ce qui s'est produit après la dernière chute. Et au moment même où il tombe pour la quatrième fois, il y a un deuxième coureur qui rentre dans le stade. C'est l'Américain Charlie Hayes qui complète son dernier tour et va signer un temps de 32 secondes plus lent que Pietri. Mais la délégation Hayes dépose un protège qu'ils vont gagner. Ouais. Parce que Pietri s'est remis debout grâce à l'aide des officiels. Et même si on avait toléré ce genre de choses en 1904, on l'a dit un peu plus tôt, on veut que ça devienne sérieux en 1908 à Londres. Alors là, il est disqualifié au grand dam du public qui le préférait largement à l'Américain. Ouais, mais ce qui est fascinant, encore une fois, vous l'avez un peu évoqué, mais c'est que ces caprices royaux, ce 400 mètres ou à peu près, au lieu de faire un marathon qui aurait été de 40, mais enfin, disons, nous, 42, là, 42 kilomètres, on fait 42,195, mais ce 400 mètres ou à peu près de plus fait que Pietri va perdre sa médaille d'or. Oui. Carrément. Remarquez que la famille royale a voulu compenser un petit peu. La reine Alexandra s'était prise d'affection pour lui, a insisté pour qu'il soit récompensé malgré sa disqualification. Elle lui a fait fabriquer une coupe en argent qui lui a été remise. Et Pietri est devenu une sorte de héros pour quelques semaines. Il a obtenu un contrat publicitaire, ce qui était exceptionnel à l'époque. Ouais. Et il a fait le tour de tous les plateaux, de tous les théâtres possibles. Et il a touché quelque chose comme 300 livres sterling. Et quand il est parti de Londres, la gare était pleine de gens venus le saluer. Et à son arrivée en Italie, même scénario, on en a fait un héros. Dorando Pietri, d'ailleurs, est devenu célèbre. Il a eu l'occasion, je le précise, d'affronter à nouveau son rival qu'il avait battu, l'Américain, à trois reprises. Ça s'est produit aux États-Unis et il l'a battu autant de fois. On ne peut évidemment pas faire l'histoire du marathon comme épreuve olympique sans parler d'Émile Zatopek, l'un des grands champions coureurs de tous les temps. Ce sont d'abord des images en noir et blanc d'un homme qui court, le tricot de corps dans un short malseyant et des sockets tombant sur des tennis. Cet accoutrement d'une autre époque était celui certainement du plus endurant des coureurs de fond du siècle. Médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Londres sur 10 000 mètres, Émile Zatopek entre dans la légende 4 ans plus tard à Helsinki en remportant le 5 000 mètres, le 10 000 mètres et l'épreuve reine, le marathon. Un exploit impensable aujourd'hui. Opposant déterminé à l'entrée des troupes du pacte de Varsovie à Prague en 1968, Zatopek perd son travail d'officier de police pour se retrouver en usine. Émile Zatopek, 78 ans, était hospitalisé depuis le début du mois pour une énième hémorragie cérébrale dont les complications lui ont été fatales. Dana, son épouse, elle aussi médaillée d'or et d'argent au lancer du javelot en 1952 et 1960, était à ses côtés. C'est normal, elle est née le même jour que son défunt athlète, le 19 septembre 1922. Pierre Perrichou, Prague, Radio-Canada. Reportage de Pierre Perrichou, donc diffusé au Radio-Journal de Radio-Canada au moment du décès d'Émile Zatopek en novembre 2000. C'est vraiment Émile Zatopek, un géant de la course à pied, Guy Daou. Ah oui, tout à fait. L'exploit qu'il a réalisé de gagner le 5000, le 10000, le marathon aux mêmes Jeux olympiques en 1952 à Helsinki, ça n'avait jamais été vu, ça ne sera jamais revu. Ce sont devenus des spécialités pour lesquelles les athlètes ne peuvent pas se dissocier. Et il y a un seul autre athlète, je le précise, qui a tenté l'exploit, qui a gagné le 5000, le 10000 et terminé cinquième du marathon. Ça s'est passé à Montréal. Il s'appelait Lasse Birren aux Jeux de 1976. Mais pour revenir à Zatopek, c'est un homme qui avait un mode d'entraînement tout à fait unique. Il courait des séquences de 400 mètres dans le stade, s'arrêtait un peu, en courait une autre, et à la fin de sa carrière, il pouvait en courir comme ça jusqu'à 100 dans une journée. Il s'entraînait dans sa baignoire où il courait, n'est-ce pas, sur place, sur ses vêtements, ce qui permettait également de les nettoyer, les vêtements mouillés, et ça renforçait ses chevilles. Il faisait du vélo avec des poires aux pieds, il courait avec de lourdes bottes d'armée, il était d'ailleurs membre de l'armée de la Tchécoslovaquie, qui lui permettait de s'entraîner. Et c'est comme ça, avec ce style particulier, qu'il a été un des grands athlètes du siècle dernier. Et c'est un homme qui avait toute une personnalité aussi. C'était un jaseux, si vous me permettez. Bien qu'il ait quitté l'école à 14 ans, il parlait 6 langues. Et il adorait discuter avec tout le monde. À la fin du marathon de 1952, il avait pris une telle avance qui a conclu l'épreuve en discutant, en échangeant avec les gens dans un cadre reportage. Et il a annoncer simplement à la fin de l'épreuve que c'était un petit peu ennuyeux, finalement, le marathon, ouais. que ce n'était pas sa course préférée, qu'il préférait largement le 10 000 et le 5 000. Puis en fait, cette propension qu'il avait à jaser, comme vous dites, il en a utilisé lors du marathon de 52 à Helsinki, qu'il a remporté encore une fois contre son rival Jim Peters, parce qu'il mm-hmm. lui dit, en fait, il se retrouve à peu près à égalité devant Peter au début du marathon, puis il lui dit « Alors, ça te va, Jim? La vitesse est bonne, on doit aller plus vite, on doit aller plus lentement. » Oui, et Jim Peters lui répond à ce moment-là, Jim Peters, il faut le préciser, qui était le roi du 5000 et du 10 000 avant l'arrivée de Zatopek, qui s'est maintenant spécialisé dans le marathon et espère le gagner. Il est détenteur de la meilleure marque mondiale sur la distance. Et voilà Zatopek qui s'amène à son niveau et qui lui demande « Est-ce qu'on devrait courir plus vite? Le rythme est bon. » Et puis, Peters lui dit « Je pense qu'il faudrait aller un petit peu plus vite. » Au fond, Peters, ce qu'il espère, c'est que Zatopek va se lancer devant et s'épuiser. Ouais. Mais Zatopek se lance devant, mais ne s'épuise pas. Et au contraire, il sème Peters et va remporter ouais. facilement le marathon de 1952. Donc, c'était un athlète absolument fascinant. Grand, grand champion. Écoutez, de 49 à 51, il participe, Zatopek, à 69 courses qu'il remporte toutes, c'est tout dire. Mm-hmm. Autre moment fort de cette petite histoire du marathon comme discipline olympique qu'on ne peut pas laisser passer sous silence, les Jeux de Rome en 1960. Pourquoi, Guy Daou, ces Jeux de Rome sont-ils si importants dans l'histoire du marathon? Parce que le marathon a été remporté par Abebe Bikila, un Éthiopien. C'était la première grande victoire, première médaille d'or par un athlète africain noir. Il y avait eu des athlètes d'Afrique du Sud auparavant qui avaient remporté des médailles. Et Bikila, il y a une espèce quand même de fond dramatique autour de cette victoire-là. Il est Éthiopien et l'Italie avait envahi l'Abyssinie. L'ancien nom de l'Éthiopie en 1935, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, et avait en quelque sorte, pendant quelque temps, colonisé l'Éthiopie, le pays de Bikila. Et il a 24 ans au moment où, c'est-à-dire, ça se produit ça 24 ans plus tard, et ça se produit sur la Via des Imperio, qui porte encore la trace de Mussolini. Et Bikila, c'est un soldat de l'armée d'Haïlé Sélassié. Il est à Rome comme remplaçant, d'ailleurs. Tout le monde se demande d'où il sort. Sa marque personnelle qu'il propose aux organisateurs, on doit le faire à cette époque, c'est encore le cas. Sa marque est donc meilleure que la meilleure marque mondiale. On trouve ça incroyable, bien sûr. Personne ne sait c'est qui, Abebe Bikila. En plus, les souliers de remplacement qu'il a, les seuls, parce qu'il a usé ses souliers à l'entraînement, ses souliers de remplacement lui font des ampoules. Il décide donc de prendre le départ pieds nus. Personne ne prend au sérieux. C'est simple. Quand les meneurs s'amènent à l'obélisque d'Axum, il y en a 5 ou 6, le commentateur de l'époque les nomme tous et se demande qui est cette bibitte étrange, passez-moi l'expression. Puis en plus, il y a une partie du parcours, Guy Daou, qui se fait sur la Via Appia, cette vieille voie romaine qui est en pavé, là. Courir à pied là-dessus, nu, c'est pas évident. Pas évident. Il est désavantagé sur cette partie-là. Ça se produit au crépuscule parce qu'on a décidé de courir ce marathon-là en soirée. C'est comme ça que ça s'est passé à Rome. Et là, imaginez un peu le spectacle. Les soldats, le long du parcours, sur la voie appienne, avec leurs torches, le crépuscule, le soleil qui se couche derrière et Abebe Bikila qui court avec le peloton encore à ce moment-là, pieds nus. Il va se détacher en entrant dans Rome, encore une fois, à côté de l'obélisque d'Axum, qui, soit dit en passant, avait été pillé par les Italiens. Il a été rendu à l'Éthiopie en 2005. Et de là, il va remporter la victoire. Il a été en quelque sorte un pionnier parce que vous savez depuis combien les coureurs africains sont dominants dans les épreuves de fond et de demi-fond. C'est le début d'une domination, effectivement. Puis c'est aussi, historiquement, le premier médaillé olympique africain. Ça, c'est important de le signaler également. On termine cette histoire du marathon comme épreuve olympique en sortant du cadre olympique, justement. Mais vous allez comprendre très bien pourquoi en écoutant ce qui suit. Sur le formulaire d'inscription, elle signe K. Switzer, la clé selon elle. Mais après quelques milles, le camion de la presse la repère. Tout comme le co-directeur du marathon, Jock Semple. Furieux, il se lance à sa poursuite. He had this really ferocious, angry face. Il avait un air tellement féroce. Il m'a crié, « Sortez de ma course, donnez-moi votre dossard. » Puis il m'a repoussé en essayant d'arracher mon dossard. J'ai reculé. J'étais terrifiée. And I jumped back and I said, oh, you know, I was so scared. Son ami de cœur envoie valser le directeur d'un bon coup d'épaule. Les photos font le tour du monde. The world's most famous foot race even attracts a leggy lady. Catherine Switzer, elle, avait trouvé sa voie et ouvert le chemin aux femmes. I wasn't in the Boston Marathon to prove anything. Je n'étais pas au marathon de Boston pour prouver quoi que ce soit. C'est à ce moment-là que ma vie a changé. J'ai dit à mon entraîneur, je vais finir la course à genoux s'il le faut. Sinon, personne ne croira que les femmes sont capables et ont le droit de courir un marathon. Because if I don't finish this race, nobody's going to believe that women can do this, that they deserve to be here. Extrait d'un reportage de Diane Sauvé diffusé en avril 2017 à l'occasion du 50e anniversaire de la participation historique de Catherine Switzer au marathon de Boston. On va terminer cette émission, Guy Dao, en parlant de ça, de la place des femmes dans l'histoire du marathon. Mm-hmm. Cette participation de Catherine Switzer dans les conditions qu'on vient d'entendre, c'est le début pour les femmes, à peu près. Oui, c'est le début. L'important, c'est qu'elle l'a fait de façon officielle, comme le soulignait Diane, en s'inscrivant, en utilisant son initiale seulement. Il n'était pas interdit aux femmes de prendre part au marathon. Ça ne leur était pas permis. Vous voyez, la nuance est quand même pas très subtile. Mmh. Et en s'inscrivant comme ça, elle a eu un dossard, le 261, et elle a pu courir. Et il a fallu quand même un peu de temps avant que la porte ne s'ouvre, parce qu'à l'issue de l'épreuve, et pendant 5 ans, plutôt que d'ouvrir la porte aux femmes, ça a amené plutôt l'association américaine d'athlétisme à leur interdire le droit de compétitionner avec les hommes dans une même course. Mmh. Donc, elles n'ont pas été admises jusqu'en 1972. Alors, Catherine Switzer a donné l'exemple. Il y avait d'autres femmes qui couraient. Roberta Gibb, notamment, qui a aussi couru en 1967, qui a réussi un temps de 1 heure meilleur que celui de Switzer, mais qui ne portait pas, elle, le maillot. Il a fallu du temps avant qu'on lui reconnaisse son mérite et qu'on finisse, d'ailleurs, au 50e anniversaire de sa participation en 2017. On l'a invitée à venir prendre le départ. Elle a porté son maillot, le 261. Oui. Et elle a très bien répondu en franchissant la distance, malgré ses 70 ans, en 4h44 minutes, à peine 24 minutes de plus que le temps qu'elle avait fait en 1967. Elle était alors à ses débuts. Ouais. Et depuis, bien sûr, le dossard numéro 261 a été retiré. Et aux Jeux olympiques, Guy Dao, la présence des femmes au marathon, ça remonte à quand? 1984 seulement. Incroyable. Vous voyez, Catherine Switzer a ouvert une porte qui est restée entrebâillée pendant plusieurs années. La première présence des femmes, c'est 1984 aux Jeux de Los Angeles. Guy Dao, journaliste au service des sports de Radio-Canada, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Plaisir réciproque. À bientôt, j'espère. À bientôt. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Annie Richer, recherche d'archives Fanny Leblanc et Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.